Le ciel comme un lac d'or. Le ciel, comme un lac d'or, pâle, s'évanouit. On dirait que la plaine, au loin, déserte, pense. Et dans l'air élargi, de vide et de silence, s'épanche la grande âme, triste, de la nuit. Pendant que ça et là, brillent d'humbles lumières, les grands bœufs accouplés rentrent par les chemins. Et les vieux, en bonnet, le menton sur les mains, respire le soir calme aux portes des chaumières. Le paysage, où tinte une cloche, est plaintif et simple comme un doux tableau de primitif, où le bon pasteur mène un agneau blanc qui saute. Les astres, au ciel noir, commencent à neiger, et là-bas, immobile au sommet de la côte, rêve la silhouette antique d'un berger.